Oh. Maps. 13e art musique. 13e art les îles. J'suis peur. Y'avait du bon tel, y'avait du bon shit. C'était la patate au quartier la famille. Toujours défoncé, toujours dans la rue. Rien qu'on se prenait pour ton émané. Ça dormait à l'hôtel, pété sous vodka. Que des grosses folles, c'est la vie d'Aloca. La crazy tiger, un 52 jaune. C'est un cul de poire qui va durer deux jours. C'est une vie de fou. Des fois j'suis à bout. Maintiens le coup. Il faut faire des sous. C'est une vie de fou. Des fois j'suis à bout. J'ai zoné, j'ai galère la famille. J'ai fait des euros, j'étais à Payole. Y'a des hauts, y'a des bas, j'ai frôlé la faillite. Laisse pas traîner ton boule, si tu veux pas qu'il glisse. On rentre dans, donne le scooter sur la bavette. T'as dit poteau, fais vite, j'ai rendez-vous à moins de 10. T'as fait tout le tour, t'es passé par le padel. J'roule un gros et tout. J'converge à la tout. J'ai trop fait le fou. Vas-y, couse mais tout. J'roule un gros et tout. J'converge à la tout. J'ai trop fait le fou. Vas-y, cous mais tout. J'suis pété, ouais maman, désolé. Pour faire la monnaie, j'ai dû prendre ce que j'pouvais. J'suis pété, ouais papa, désolé. Pour faire la monnaie, j'ai dû prendre ce que j'pouvais.